Eric, excuse-moi de te ramener à la réalité. On va revenir à nos patentes au Québec. As-tu vu le baromètre en fin de semaine dans le Devoir des politiciens les plus populaires? Je vais me redécourager puis me ramener dans les années 70. C'est vraiment, on a un Québec très à gauche. Il y a un effet aussi télémétropole là-dedans. Tu passes à la TV puis t'es populaire. Puis m'a redonné le top 10 là, pour les gens qui l'ont pas lu puis qui l'ont pas entendu tantôt. Vas-y. Amir Kadir, numéro 10 à 30% des gens qui ont une bonne opinion de lui. Il a déjà été premier. 9e, Fatima Oudapépin, 31%. 8e rang, Maca Cotto, l'ancien comédien de Super Samplon à Radio-Canada, 32%. Léo Bureau-Blouin, hein, il est donc bien fin, lui, puis il est donc bien clean, puis on l'aime donc, 33%. Bernard Drinville, le ministre de la Charte, 6e rang, 35%. Après ça, Marguerite Blais, qui animait des émissions pour les madames à Télémétropole, 38% des gens qui ont une bonne opinion de Marguerite Blais. Spécial, hein? Après ça, Pauline Marois est à 40, Philippe Couillard, 3e à 40, François Legault, 2e rang, à 43%, et Françoise David, à 45%, qui est la politicienne au Québec, de qui les Québécois ont le plus une bonne opinion, à 45%. Est-ce que c'est un peu comme Jack Layton, hein, je pense. On lit pas trop le programme, elle a l'air sympathique, on n'aime pas chicane aussi, puis elle est très calme et très posée, donc on l'aime, Françoise. C'est un peu ça, hein, Éric? Ouais. Puis oui, c'est exactement ça. Puis gars, si tu regardes au fédéral, c'est à peu près la même chose. Thomas Mulcair est à 60%, ben puis oui. Juste 10% que c'est négatif. Donc, les politiciens de gauche, on les aime. Fait que ça, c'est sûr que c'est facile quand tu dis que t'es une mère Teresa, que tu veux aider les pauvres, que t'as le cœur sur la main, que tu trouves ça écœurant qu'on coupe n'importe quoi. Ben oui. Que tu avec l'argent des autres, t'as toujours l'air très généreux. Ben oui. Et Françoise David, elle le saut au bout, là. Ben elle défend toujours la veuve et l'orphelin. On défend pas le payeur de taxes, mais ça, c'est pas grave. Le payeur de taxes. Elle défend l'environnement, elle défend la femme, elle défend le pauvre. C'est ça, Françoise David, là. Fait qu'on l'aime. Et puis en plus, elle est sympathique. C'est vrai. T'sais, au niveau personnel, faut lui donner ça. Françoise David, c'est pas Amir Kadir, là. Elle est pas détestable. C'est une femme que quand elle rencontre, elle est charmante. C'est une femme, c'est une bonne communicatrice. Faut pas la sous-estimer. Ouais. On l'a vu lors du dernier débat des chefs. Donc, les Québécois l'aiment. Et ce que ça me dit, c'est que c'est ça. Si au Québec, tu veux te faire aimer, faut que tu sois à gauche, puis qu'on n'a pas encore les gens qui défendent puis qui protègent le contribuable, ben on les aime moins. Et on a un problème avec ça. Ben le problème, on a encore cette mentalité-là. Le problème, c'est qu'il y a quoi? Il y a à peu près quoi? C'est 40% des gens au Québec qui payent pas d'impôts. C'en est un problème majeur. C'est ça déteint là-dessus aussi. Très important. C'est clair que ça l'impacte. Puis mais il y a quand même de l'espoir, Jérôme. Puis là, gars, je vais te lever mon chapeau, puis je vais lever le chapeau à tout le monde à Radio X. Parce que on était les premiers il y a 4-5 ans à commencer à découvrir le vrai visage d'Amir Kadir. Ouais. On a été les premiers alors qu'il était comme une espèce d'icône que personne pouvait toucher à ça. C'était Amir l'intouchable qui marchait sur l'eau ou à peu près, là, qui était le premier dans ces sondages-là, rappelle-toi. Et aujourd'hui, quand je regarde, revais le sondage à l'envers, là, puis regarde les gens qui ont les négatifs les plus élevés. Il est 2e derrière Pauline Marois. Pauline Marois est à 50% d'opinion négative. Puis en 2e position, qui on retrouve? Notre ami Amir Kadir. Donc ça en dit beaucoup aussi sur le fait qu'on est capable d'informer le monde et on est capable de déboulonner les mythes de ces gens-là qui sont très populaires pendant un petit peu de temps, mais c'est pas éternel, ça peut être des feux de paille. Je pense que tranquillement on va commencer à informer le monde sur le programme de Québec solidaire, puis tranquillement il y a du monde qui vont se réveiller, puis Françoise va en trouver moins belle, moins fine, moins généreuse. Ça pas de bon sens. Je veux te faire entendre, t'étais pas là la semaine passée, là, ça s'est peut-être pas rendu en Suède, là. Je veux te faire entendre Amir Kadir sur les radios de Québec et les radios d'opinion en général, probablement incluant la tienne à Montréal, Éric. Je veux te faire entendre ce qu'il a dit. Il était en commission parlementaire, lui, là, quand il a dit ça. Là. C'est assez spécial. Vous venez ici, vous prônez, je sais pas d'où ce que vous sortez ça, d'éliminer des radios commerciales qui sont, qu'on partage ou non les opinions, c'est des entités légales. Il y a beaucoup de gens ici qui écoutent ces stations de radio-là. Monsieur le député de Mercier. Pour rassurer mon collègue de la CAQ, je voudrais dire, attendez au moins que Québec solidaire arrive au pouvoir avant de considérer la fermeture ou pas des radios poubelles. Puis je vous promets qu'on va organiser une audience publique et une participation, une réflexion collective sur comment certaines radios abusent de leurs droits de diffusion et alimentent le mensonge et la désinformation. On va réfléchir à ça, hein, contrôler les radios de Québec. Ouais. Et au niveau idéologique, là, c'est des gens qui sont dangereux, Québec solidaire. Oui. Dangereux. Écoutez, trouvez-moi d'autres partis politiques ou d'autres politiciens dans des démocraties occidentales qui disent qu'il faut fermer des médias parce qu'ils sont pas d'accord avec leur opinion. Alors, c'est ça. Là. J'en connais pas beaucoup. Imaginez-vous que quelqu'un à droite au Québec ou au Canada aurait dit un commentaire aussi insipide. Aujourd'hui, il serait au pilori par tout le monde. Hey, mais et oui, où ce matin, oui. Jérôme, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour dire que Pierre Cadet, c'est inacceptable, que c'est antidémocratique, c'est contre, ça va contre la liberté d'expression, ouais. Contre la liberté de la presse. Qui défend encore la liberté d'opinion au Québec? Pourquoi que la gauche, elle a une espèce de laisser-passer puis qu'il y a un deux poids, deux mesures qui s'applique à elle quand il est en matière de liberté d'expression puis de liberté de la presse? Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'est pas plus outré. Ces propos-là, là, c'est inacceptable. C'est digne de Cuba puis de la Corée du Nord. Le c'est Cameroun. Pas des euphémismes, c'est pas de la démagogie. Ah, Rich, t'es arrivé au Cameroun, ça. Hein? Rich m'a trouvé ça la semaine passée. Au Cameroun, ils ont fait ça récemment. Qu'est-ce qui est arrivé, Rich, au Cameroun? Ils ont fermé une station de radio parce qu'ils avaient diffusé une entrevue avec des sécessionnistes. Pas beau, au là. Au Cameroun. C'est pas beau, c'est là. C'est ça. Puis on voit ça en Iran, on voit ça en Arabie Saoudite, on voit ça dans quelques pays qui sont vraiment pas des modèles puis des exemples. Et c'est là où on voit qui inspire ce parti-là et d'où vient leur idéologie profonde. Ces gens-là n'ont aucun respect pour la démocratie, ont aucun respect pour la liberté. C'est des totalitaires. Je m'excuse, là, mais le vrai visage d'Amir Kadir là-dedans, là, c'est pas une gaffe qu'il vient de faire, Amir Kadir. Il vient juste de nous révéler son vrai visage puis le fin fond de sa pensée. Ouais, et il déteste les radios de Québec. Pourquoi? À cause de ce que j'ai dit peut-être tantôt, parce qu'on a été les premiers à exposer son idéologie puis à exposer son fanatisme. C'est et vrai. Ça, il l'a pas digéré parce que c'est depuis ce temps-là que son étoile pâlit. Les détails sur son passé, qu'est-ce que t'avais révélé? Donc, rappelle-nous ça, Éric, c'est intéressant. Mais plusieurs choses. La première, l'affaire qui a fait le plus mal, je pense, Jérôme, c'était quand il s'est mis à aller boycotter une boutique sur Saint-Denis, Le Marcheur, pour pas la nommer, qui parce qu'elle vend 2% de chaussures qui viennent d'Israël. Puis évidemment, Amir Kadir n'aime pas Israël, donc il avait décidé qu'il boycottait une entreprise tout à fait légale. C'était de l'intimidation carrément. Un petit commerce familial qui, depuis 25 ans, vend légalement des produits, paye des taxes, se retrouve avec son député devant sa porte qui manifeste puis qui essaye de les faire fermer. C'était assez dégueulasse, merci. Puis ça a solidarisé beaucoup de petits commerçants, beaucoup de petits entrepreneurs qui sont ouverts les yeux puis qui ont dit hey, « ce gars-là est dangereux. Si il réussit à faire fermer le marcheur, demain, il va-tu être devant ma porte parce que je vends quelque chose qu'il aime pas ou parce que je fais faire de l'argent à une compagnie qu'il déteste? » ou là, ils se sont réalisés que, il est vraiment dangereux. Là. On avait exposé d'autres affaires, mais je pense que celle-là, c'est celle qui a plus marqué, qui a réussi à marquer l'imaginaire parce que c'était clair, c'était simple à comprendre, puis tout le monde a été indigné du comportement d'Amir Kadir. Ben et oui. Aujourd'hui, c'est Amir Kadir a 42% de gens qui ont une opinion négative de lui, puis c'est au lieu d'être dixième, il est plus premier, mais il est rendu dixième. C'est peut-être parce que justement on a informé le monde, puis Amir Kadir, il l'a pas encore digéré, puis aujourd'hui, mais il veut faire fermer les gens qui ont informé les Québécois de ce qui s'était passé. Ouais. C'est assez indigne d'un député qui se dit démocratique, là. Ouais. Hey, Éric, j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer cette semaine concernant les mines au Québec, hein, parce que là, la gang de gauchistes, là, la gang, le gouvernement d'enverdeur qu'on a qui nous dirige.